Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Chaque mouvement révolutionnaire produit des archives, des journaux, des pamphlets, des tracts, des graffitis aussi. Mais puisque ces documents ont pour but de renverser le pouvoir en place, ils sont victimes de censure et de destruction. Et puis, comme ils sont produits dans le secret, il n'est pas aisé de les collecter. Nous avons dans nos archives un matériau considérable sur la Révolution française, sur celle du 19e siècle, sur les mouvements populaires du 20e. Quand la Révolution échoue, que reste-t-il des traces qu'elle a laissées? Elles sont vite effacées. Mais si la Révolution est un succès, comment archiver des documents qu'elle a produits? Surtout, parfois même contre le nouveau pouvoir en place, comment conserver le souvenir de ce qui s'est passé? Kmar Bendana, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université de la Manouda à Tunis, spécialiste de l'histoire intellectuelle et coloniale de la Tunisie. Mais, Kmar Bendana, je voudrais que nous produisions ici, dans le cours de l'histoire, de l'archive. Écoutez, c'est ce qui s'est passé il y a 10 ans. Nous étions le 25 décembre 2010, une manifestation en solidarité à ce qui s'était passé à Sidi Bouzid. Kmar Bendana, je vous disais, nous allons produire de l'archive. Tout simplement, je vais vous demander, vous, en tant que historienne, chercheuse et acteur de la vie publique, de la société civile, comme on dit plus facilement, où étiez-vous en décembre 2010 quand ces manifestations ont eu lieu? Vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé? Moi, j'étais chez moi, inquiète et angoissée parce que mes filles étaient justement dans la foule du 14 janvier, et je n'entendais absolument pas ça, puisque dans la petite localité où je vis, à Mamlif, à 16 kilomètres, j'entendais des coups de feu épars. Et donc, je n'étais pas du tout, même en tant que Tunisienne, vous dites que je suis actrice des événements, je n'étais pas du tout dans ces événements. Vous étiez actrice de la société civile, c'est ça que je voulais dire. J'étais pas historienne ce jour-là, j'étais une mère de famille inquiète. Une citoyenne complètement, complètement paumée. Oui, qu'est-ce qui s'était passé? Vous nous le rappelez à Sidi Bouzid? Oui, le 17 décembre, un marchand ambulant a eu une altercation avec une fonctionnaire de la municipalité de Sidi Bouzid. Il y a encore beaucoup de mystères autour de cette altercation, mais il en est résulté surtout que ce marchand ambulant, Mohamed Bouazizi, qui en réalité s'appelle Tarak Bouazizi, a mis le feu dans son corps et a brûlé. Et c'est cette immolation, si vous voulez, qui a été le produit, en tout cas la cause d'une première mobilisation des amis et de la famille, et même de la place, parce que c'était sur la place publique, juste en face de l'administration de l'État, donc du département de Sidi Bouzid. Et ce sont des gens qui étaient sur place, qui ont filmé, et ce sont des gens qui ont, à côté d'eux, qui sont d'ailleurs des syndicalistes, on le sait maintenant après les premières enquêtes, qui ont transmis ces premières informations par les premiers téléphones portables vers Al Jazeera et vers France 24, ce qui fait que le soir même, le monde entier a vu cette scène dramatique et assez impressionnante. Et déjà, Kmar Bendana, vous évoquez le document lui-même. Ce document, en l'occurrence, est une vidéo. Mais dans ce que vous nous avez dit, il y a d'autres documents. Vous parlez d'enquête. Donc là, nous sommes dans des documents qui sont maîtrisés par l'institution. Quels sont ces documents produits qui vous intéressent autour de ce mouvement? Nous parlons là, en l'occurrence, de la Tunisie. Mais cela peut s'étendre à l'ensemble du mouvement général qui a été appelé les Printemps arabes. D'abord, à propos du document, il y a des documents faux qui ont circulé. Par exemple, on a su que cette photo d'une boule en feu n'était pas une photo authentique de ce qui s'est passé à Sidi Bouzid. Vous voyez, donc, même dans le temps très court Et même dans le feu révolutionnaire, il y a eu des documents qui ont circulé sur le net et qui n'étaient pas des documents authentiques, comme on dit. La deuxième chose, c'est que moi, je vous parle au nom d'un comité scientifique et un collectif dont je fais partie et qui s'est constitué bien après ces événements pour essayer justement de travailler sur la volatilité et de ces archives. Donc nous nous sommes constitués en collectif pour aller à la recherche des documents qui ont été des films donc de vidéos qui ont été tournés par les individus qui étaient sur place. Et donc ce travail est venu après plusieurs années essayer de relire et de documenter pour essayer de retrouver justement des documents qu'on ne retrouvait plus sur Facebook. Parce que ce qui s'est passé, il y a eu des choses qui sont vraiment propres, si vous voulez, aux révolutions arabes, et les journalistes le savent, et les historiens aussi aujourd'hui sont relativement avertis sur ce phénomène, qui est tout à fait nouveau, c'est que non seulement il y a beaucoup de documents, mais il y a beaucoup de producteurs de documents. Vous avez dit tout à l'heure, nous allons produire de l'archive. Mais vous êtes un producteur secondaire, tertiaire, etc. Nous étions à la recherche des producteurs premiers, originels, si vous voulez, des documents. Et ça, c'est le travail de l'historien. Et il y en a énormément, puisqu'il y a énormément de gens qui ont des téléphones portables. C'est ça le phénomène des révolutions, que les révolutions arabes soulignent et posent aux futurs chercheurs. Et donc, nous avons mis quelques années à nous constituer, parce que nous avons mis quelques années aussi à nous rendre compte de ce phénomène, parce que nous sommes aussi des humains et qu'on était un peu dans le feu de la révolte, peut-être un peu mobilisés pour connaître, pour savoir la suite, etc. Nous étions un peu citoyens et journalistes, mais au bout de 2 ou 3 ou 4 ans, ce sont les historiens qui ont commencé à se dire « Oui, mais comment est-ce que toutes ces archives se sont constituées ?» Et donc, à Tunis, il y a eu ce collectif dont je fais partie. Moi, je suis membre conseillère scientifique, si vous voulez, et on a essayé de se demander justement comment est-ce que ces archives se sont constituées, pour essayer aussi d'en remettre ce qui était possible de remettre aux archives nationales de Tunisie, parce que nous avons une grande administration qui existe, heureusement, et qui collabore avec le collectif. Donc moi, je fais partie, encore une fois, d'un souci, si vous voulez, d'un souci qui s'est exprimé, et que plein de personnes de différentes spécialités, d'ailleurs, qui sont ont ressenti comme moi. Kmar Bendana, vous avez participé à un ouvrage collectif intitulé « L'esprit de la révolte, archives et actualités ». J'insiste sur la liaison pour bien montrer que les archives sont plurielles. Des révolutions arabes, publiées au Seuil sous la direction de Leïla Dakhli. Et dans cet ouvrage, vous êtes plusieurs à avoir réfléchi sur la notion d'archives. Comment écrire cette histoire-là à partir des archives? Quelles sont les archives? Elena Chiti, vous avez participé à cet ouvrage. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne du Moyen-Orient, spécialiste de l'Égypte contemporaine, maîtresse de conférences en études moyen-orientales de l'Université de Stockholm, en Suède donc, et vous avez donc collaboré à cet ouvrage. Vous pouvez nous expliquer la démarche? Qu'est-ce qui vous a conduit à penser l'esprit de la révolte des révolutions arabes à partir des archives? Oui, d'abord, il faut, je pense, se dire que les archives peuvent avoir une double fonction. Il s'agit bien entendu de garder des traces pour les futurs, mais on se pose aussi la question dans quel but, pour en faire quoi. On peut garder des traces pour les laisser aux historiens, pour en faire de la mémoire. On peut garder des traces pour constituer des preuves sur les plans juridiques. Et on peut donc penser, dans ce deuxième cas, aux archives des révolutions qui ont été mises en place et auxquelles on n'a pas accès par les pouvoirs, par les états policiers. Il y a des archives de la répression auxquelles on accédera peut-être à l'avenir si ces régimes tombent, mais le seul cas où on a pu voir ces archives-là détournées, je pense que c'est en 2014, dans les cas syriens, quand ce qu'on appelle les reportages de César a fait la une. Donc ces anciens photographes de la police militaire syrienne chargés de prendre photos des détenus politiques morts sous la torture qui en fait travaillé pour des réseaux d'opposition et qui s'est enfui, qui a quitté la Syrie et qui a rendu public ses matériels. Donc il faut se poser la question du but des archives. La démarche qui était la nôtre n'était pas celle de constituer des preuves de la répression et des violations des droits humains, mais de se poser du point de vue des acteurs sur le terrain et d'essayer de reconstruire les dynamiques, les espoirs aussi, non pas seulement les projets accomplis, à travers des traces sensorielles, à travers des documents. Et c'est une démarche qui a été inspirée par l'ouvrage de Sophie Wanmisch, qui est une grande historienne spécialiste de la Révolution française, qui a publié il y a quelques années un livre intitulé « L'intelligence politique de la Révolution française », document commenté, où eh bien, elle présente des sources aussi diverses que des poèmes, des textes fondateurs de la Révolution, des pétitions, et elle essaye de se garder de les expliquer de façon approfondie pour les décrire. Et c'est la démarche que nous avons essayé d'adopter avec Leïla Dakhli, avec Qamar Bendana et les collègues qui ont participé à l'esprit de la révolte. Dans cet esprit de la révolte, Qamar Bendana, il y a vraiment quelque chose qui parle à l'historien, à l'historienne, dans cette réflexion sur ce qu'est le document. Mais en écho à ce que nous venons d'entendre d'Elena Chiti, quel est vraiment le but? Il est pluriel en vérité, il n'y a pas la volonté d'accumuler des preuves, mais en prenant l'archive, c'est une démarche globale en fait, il n'y a pas une direction particulière. Comment avez-vous conçu cette réflexion sur l'archive et l'actualité des révolutions arabes? Vous posez la question à Elena ou... Non, Qamar Bendana. Allez-y, Qamar. Pour enchaîner sur ce que vient de dire Elena, notre démarche, et c'est pour ça moi que j'ai adhéré avec autant d'intérêt et de plaisir au travail collectif de l'esprit de la révolte, c'est de revenir justement à un vécu, c'est-à-dire à essayer de comprendre comment les acteurs ont vécu ces révoltes, ces mouvements, ces insurrections. Et ce qui nous a permis, c'est-à-dire que nous incluons à la fois le geste de l'archéologue, si vous voulez, de celui qui déterre les traces d'un passé qui est froid, avec comment, par exemple, si vous déterrez un tesson d'un instrument, d'un ustensile de cuisine, pour comprendre aussi comment est-ce que il a pu atterrir là à un moment, est-ce qu'il était sur le feu, est-ce qu'il était posé ailleurs, est-ce que c'était avant un repas ou pendant la cuisine, etc. C'est-à-dire que toute notre réflexion, c'était de restituer, encore une fois, une sorte de film que pouvait vivre à la fois intérieurement les acteurs, mais aussi le produit de ces mobilisations, parce qu'il faut bien appeler ça comme ça, de ces mobilisations instantanées, si vous voulez. Nous sommes très conscients que l'instantané est extrêmement difficile à rendre après coup. Bon, il peut y avoir les photos des photographes extrêmement talentueux qui tombent bien à un moment très parlant de l'histoire, et pour le reste, la photo de Bouazizi, la bonne, pas celle qui a circulé, était aussi un instantané extrêmement extrêmement important, mais on ne voyait que le feu, si vous voulez. Nous, on a essayé de voir ce qu'il y avait autour du feu, enfin ou avant ou et surtout après. Donc la démarche est une démarche de chercheurs du 21e siècle qui se demande qu'est-ce qui a pu se passer pour que toutes ces mobilisations s'agrègent, se nourrissent et continuent à évoluer et en créer d'autres. Et donc ça, c'est pour nous une posture qui est extrêmement intéressante, et sur le plan de la méthode, mais aussi sur le plan des questions que l'on peut se poser et surtout de la démarche que l'on peut avoir rétrospectivement sur les traces qui nous restent, parce que nous ne sommes pas naïfs, nous savons très bien que de toute façon, il ne reste toujours qu'une infime partie des traces des événements. Et parfois, cette infime partie des traces est une partie radiodiffusée. Rue d'Abu Dhabi, dans le centre de Tunis, c'est ici au premier étage de ce vieil immeuble colonial que s'est installée Kalima, la première radio indépendante de Tunisie. Trois jours après la chute de Ben Ali, les journalistes ont repris possession des locaux. Ils avaient été fermés par la police il y a 2 ans. Micro, magnétophone, ordinateur, tout ce qui pouvait faire tourner la radio a été emporté sans ménagement par la police. Du studio d'enregistrement, il ne reste que ces quelques meubles encore recouverts de poussière. Mais pas de quoi décourager Siem Ben Sedrine, la directrice. Cette opposante historique vient de rentrer en Tunisie après avoir dû quitter le pays en 2009. L'euphorie d'une révolution, ça, parfois ça retombe. Et les vieux réflexes de censure, d'autocensure peuvent revenir. Nous n'avons jamais eu ce type de réflexe. Nous avons toujours dit haut et fort tout ce que nous pensons. Et nous n'avons pas peur de continuer à faire notre travail. L'agence France Presse qui s'intéresse à la radio Kalima, en Tunisie donc, nous étions en janvier 2011. Kamar Bendana, ces radios ont produit des documents, ces documents qui sur le moment même étaient quelque chose qui n'était pas destiné à être conservé. Comment vous, historienne, vous appréhendez les traces qu'ont pu laisser ce qui est impalpable? Je pense notamment à la radio et nous avons bien entendu en plus que cette radio était sous le poids de la censure, de la surveillance et de la police, ce qui rend encore plus compliquée la démarche. Oui, parce que nous nous intéressons à un terrain, la Tunisie, qui est un terrain de censure. Et ça, c'est un effet extrêmement important, en tout cas sur la démarche de l'historien après. Mais il n'y a pas que l'effet de la censure. Je crois que dans des moments comme le moment de la révolution tunisienne, je vais vous parler d'un autre effet qui est peut-être qui n'est pas tout à fait de la censure ou qui est de la censure en train d'éclater. Le jour même, vendredi matin, vendredi 14 janvier au matin, à la télévision nationale, qui est le haut lieu de la censure en Tunisie, il se passait une émission qui est encore restée maintenant dans les annales, dans laquelle il y avait une confrontation entre un écrivain, une poétesse, un journaliste, et puis je ne sais plus, une troisième personne. Eh bien, dans cette émission en direct, parce que la télévision émettait en direct, et entre la poétesse, si vous voulez, et l'écrivain, il s'est passé une scène, une polémique, si vous voulez, dans laquelle cet écrivain, Hassan Ben Othman, s'est exclamé et a dit « Ben Ali est mort » à 11h05, en direct sur la télévision nationale tunisienne. Et donc, ce monsieur, dans son euphorie révolutionnaire déjà naissante, avait annoncé que Ben Ali était. Et c'était une panique à bord, comme dans vos studios, si vous voulez, comme si dans vos studios, par exemple, aujourd'hui, on me coupait la parole. Ils lui ont coupé la parole par une émission, par une chanson que l'on passe toujours. Et lui, on l'a vu brandir ses bras au ciel, rentrer dans une colère noire en disant « Encore les mêmes chansons ?» Et donc, nous avons vu en direct, si vous voulez. Et pour moi, ça, c'est un morceau d'histoire. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui raconte dans la conjonction de toutes les motivations et dans cette rencontre un peu de toutes les situations, ce qu'était le régime tunisien. Beaucoup plus que la censure elle-même, le moment où elle éclate, en vol, vous voulez. C'est comme si on prenait une photographie en vol. Et ça, je pense que les événements comme la révolution tunisienne ou d'autres nous donnent à nous, chercheurs, les moyens de pouvoir capter ce genre de traces absolument exceptionnelles. Ce que vous nous avez raconté à Kamar Bendana s'est déroulé le 14 janvier 2011, quand vous avez vu cette censure en vol. Et bien justement, le lendemain, 15 janvier, oui, c'est quelqu'un d'autre qui a pris son envol. À bord de cet avion, le président Ben Ali et ses proches. Après 23 ans de pouvoir sans partage, le président prend la fuite. L'image a été tournée en fin de journée hier à l'aéroport de Tunis par un amateur. Apparemment, l'avion présidentiel se dirige vers la France. On le signale au-dessus de Malte, il file vers le nord. À Paris, les rumeurs les plus contradictoires circulent. On pense que le président va trouver refuge à l'ambassade de Tunisie. Des policiers mettent en place un dispositif de sécurité. À quelques dizaines de mètres, plusieurs centaines de Tunisiens se rassemblent pour fêter la fin du régime. On reste un petit peu inquiet pour nos familles, pour les gens qui sont encore en Tunisie, mais on est fiers et on est contents, heureux. À l'aéroport du Bourget, un plan de vol a été déposé. L'atterrissage de l'avion du président Ben Ali est prévu à 21h30. Mais là aussi, des jeunes Tunisiens sont rassemblés. Ils chantent l'hymne national. La décision de l'Élysée tombe, la France ne souhaite pas accueillir le président Ben Ali. Quelque part au-dessus de la Méditerranée, l'avion fait demi-tour. Il file alors vers l'Arabie Saoudite et il se pose vers 1h du matin à l'aéroport de Jeddah. Selon le communiqué officiel des autorités saoudiennes, le président et sa famille resteront en Arabie Saoudite pour une durée indéterminée. Le journal de France 2, le 15 janvier 2011, qui évoque la fuite du clan Ben Ali. Eh bien, justement, ici, nous avons une archive que nous retrouvons assez facilement à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Mais dans la diffusion même de l'information et donc d'autres archives, Elena Chiti, il y a des éléments pour ces printemps arabes qui ont dépassé évidemment l'information institutionnelle. Et c'est sans doute en cela que, sur le regard égyptien par exemple, ces autres documents sont essentiels. Ben Ali s'enfuit de la Tunisie, quel écho cela peut-il avoir en Égypte et surtout par quel vecteur, par quel autre document ? En fait, quand on parle d'Égypte et des Syrie aussi, on ne peut pas s'appuyer sur l'institutionnalisation des documents de la Révolution parce qu'il y a encore des régimes autoritaires en place. Et alors, et ce n'est pas juste pour une raison stratégique, mais aussi pour une raison épistémologique, il faut aller voir les sources culturelles. Ça peut être des slogans, des chansons, des reprises critiques ou ironiques de blagues, des poèmes. Il faut se tourner vers d'autres types des documents. Et je pense par exemple à un slogan qui n'est pas en tant que slogan politique, qu'on a beaucoup entendu au début des mobilisations en Tunisie, qui est quelque chose que sans doute beaucoup de monde connaissent. Lorsqu'un jour le peuple veut vivre, le destin se doit de répondre. C'est un slogan que les Tunisiens ont commencé à chanter déjà avant la chute de Ben Ali. C'est le début d'un poème qui s'appelle « Volonté de vivre » qui avait été écrit en 1933 par Abolkassem Chabbi, un grand poète romantique tunisien qui, par ses poèmes, essayait d'éveiller la Tunisie contre l'occupation coloniale française. Et après la chute de Ben Ali, ses poèmes, c'est devenu slogan, a été repris dans plusieurs pays du monde arabe, en Égypte, en Syrie, mais pas que, et il est devenu une sorte de témoignage d'un espoir renouvelé dans la possibilité que les peuples égyptiens aussi, les peuples syriens aussi, puissent avoir les mêmes succès que les peuples tunisiens. C'est une réappropriation du concept même de peuple qui n'est plus là mobilisé par les régimes populistes en place, mais repris par les acteurs. Lorsqu'un jour le peuple veut vivre, ce poème, nous l'écoutons dans le cours de l'histoire sur France Culture, chanté par Souad Mohamed. Thank you. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد للليل أن ينكلي ولا بد للقيد أن ينكسر. Lorsqu'un jour le peuple veut vivre, chanté par Souad Mohamad, avec ici vraiment une portée très forte, Kmar Bendana, d'un document qui n'est pas destiné à être révolutionnaire, qui est un détournement d'une chose culturelle qui existe déjà, en l'occurrence un poème, une chanson. En quoi cette chanson a une importance dans la compréhension des révolutions arabes ? Eh bien, elle a l'importance, comme vous l'avez dit, d'un document esthétique qui a été, je ne sais pas s'il faut l'appeler secondaire, tertiaire, etc. C'est pas l'emplacement. Ce qui m'intéresse encore une fois, c'est le process. Et dans cette affaire-là, dans cette chanson de, je pense que c'est Souad Mohamad, je crois, c'est une composition d'un hymne fait presque comme dans la mode des années 40 ou 50 en Égypte. C'était d'ailleurs au moment de la révolution égyptienne en cours à l'époque, celle de 52, et donc c'était une composition musicale mobilisatrice, mais dans les canons, si vous voulez, de la musique de l'époque. Vous avez vu cet arrangement, etc. Mais il y a plusieurs types de réappropriation. Je ne suis pas sûre que cette chanson soit présente dans l'imaginaire des acteurs tunisiens, par exemple. Parce qu'il y a d'autres réappropriations. N'oublions pas que Abdelkassem Chebbi est un poète tunisien, qu'il est enseigné dans les écoles, et que le couplet « Ida shabu yauman arad al-hayat »« Si le peuple veut » est un des couplets de l'hymne national tunisien, lequel hymne national tunisien était tombé entre les mains, si vous voulez, du régime, et que les gens n'entonnaient plus ou ne chantaient plus sous Bourguiba et encore plus sous Ben Ali. Et ce qui s'est passé, justement, en 2011, c'est une réappropriation immédiate, si vous voulez, spontanée et collective et partagée de ce couplet, parce qu'il est de Abdelkassem Chebbi, et de l'ensemble de l'hymne national, parce qu'il était confisqué par Ben Ali et par Bourguiba. Vous voyez ce qui s'est passé, c'est-à-dire que l'histoire elle-même produit des strates, si vous voulez, d'usage et de réappropriation qui sont extrêmement différentes. Et je pense que la force mobilisatrice de ce couplet en Tunisie a décuplé la force des révolutionnaires et leur unification et leur mobilisation convergente. Je pense que ce qui s'est passé, encore une fois, c'est ça le feu révolutionnaire, si vous voulez, qu'on essaye un petit peu de rendre dans nos travaux, dans l'esprit de la révolte, c'est d'essayer d'attirer l'attention sur comment ça se passe à l'intérieur des individus et entre eux pour qu'une révolution devienne révolution. Il y a tout un matériel et tout un capital qui est présent, un peu tapis, peut-être aussi un peu oublié ou dans une sorte d'inconscient ou de subconscient collectif ou individuel qui ressort et qui est remis, si vous voulez, d'une façon extrêmement efficace. Voilà, cette efficacité de la réappropriation sur le terrain révolutionnaire. Comment archiver les révolutions arabes dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Marie Placé avec aujourd'hui à la technique Élise Le. Mais dans cette notion d'archive, nous imaginons facilement la collecte de documents, de photographies, de tracts, éventuellement de journaux, pourquoi pas d'images. Elena Chiti, la démarche est beaucoup plus complexe en fait. Nous l'entendons avec Mar Bendana que pour ces archives, il faut presque les comprendre, les saisir, les analyser avant même de pouvoir les archiver. Absolument. Ça, c'est quelque chose qui pourtant, j'aimerais bien éclaircir ce point. Il faut banaliser cela. Ce n'est pas le propre juste des archives des non-révolutions arabes, c'est le propre de toute archive, si j'ose dire. Une archive n'est jamais une collecte de documents sans but, parce que pour archiver, il faut d'abord trier, et il faut trier selon un critère et une logique précise. En ce qui concerne nos archives à nous, les archives des révolutions, il y a une démarche, comme vous l'avez dit, très complexe, qui dérive aussi de la volatilité et, disons, de la réappropriation, des réappropriations multiples de ces sources. Comme Tmar l'a très bien montré, en fait, il n'y a pas d'objet en soi, mais il y a des objets localisés, des objets qui changent de contexte, et en changeant de contexte, eh bien, ils changent aussi de signification. Et on peut penser, au-delà du slogan poème de Chabé, aussi à la réappropriation du capital national qui passe par les drapeaux. En Tunisie, en Égypte, les drapeaux nationaux, tout comme les hymnes, étaient tombés dans les domaines de la célébration vide et rhétorique des régimes. Mais avec 2010-2011, ils sont réappropriés par les manifestants. Et il y a même davantage, en Syrie et en Libye, on rejette les drapeaux nationaux liés au régime en place et on revient aux drapeaux nationaux chez les révolutionnaires. Hein. On revient aux drapeaux nationaux qui précèdent la mise en place de ces pouvoirs autoritaires et qui étaient les drapeaux des indépendances. Dans les cas syriens, on réadopte du côté des révolutionnaires les drapeaux d'avant les coups d'État du Ba'ath de 1963. Et donc, il y a, je pense que notre posture a été compliquée, mais aussi stimulée par ces circulations qui ne sont pas juste un changement de support, mais un changement de signification. Changement de signification, obligation d'adopter un regard particulier et de sortir de son champ d'études. Effectivement, historiens, historiennes, nous baignons le plus souvent dans des archives que nous connaissons très bien, qui sont des archives littéraires. Nous savons qu'il faut en sortir, croiser, aller chercher le plus loin. Et parfois, ça tombe bien, ça permet d'écouter El General. ايش بيجي بيجي طلع بدي احكي لك فيك تعرف شو بدي احكي ها ها رئيس البلاد هاني اليوم نحكي معاك باسمي واسم الشعب الكل اللي عايش بالاعلى 2011 مازال فما شكون يموت بالجوع حاب يخدم باش يعيش لكن صوته مش مسموع اهبط للشارع وشوف العباد ولات وحوش شوف الحاكم بالمتراك تاكا تاك ما على بالوش مادام ما فما حد باش يقول له كلمه لا حتى القانون اللي في الدستور نفخوا وشرب ماه كل نهار نسمع قضيه ركبوها له بالسيف بورطون حاكم فما بندانا vous entendez chanter ce rappeur tunisien et El General quoi. Il y a quelques phrases avant en arabe, pourquoi es-tu inquiet, voulez-vous me dire quelque chose, n'aie pas peur. C'est tout un jeu ici qui est fait entre l'actualité, la création, c'est de la poésie également, le rap, et une volonté de s'inscrire en fait dans un mouvement révolutionnaire. Quel regard, vous l'historienne, vous portez sur ce rap? Eh bien, je porte un regard de quelqu'un, peut-être pour qui c'était pas un genre il y a 10 ans, si vous voulez. Bah, il y a 10 ans, j'avais commencé un petit peu quand même à entendre ça à cause de mes enfants, mais c'était pas du tout dans mon esthétique. C'est-à-dire, j'avais bien conscience aussi que c'était un nouveau mode d'expression, mais j'avais aussi conscience que c'était un mode d'expression qui était interdit sur les ondes officielles. Et donc j'ai bien pris conscience au fur et à mesure des événements, pendant que je les vivais, que c'était une sorte de viatique aussi entre les jeunes et entre les jeunes générations beaucoup, mais les autres, et puis surtout peut-être la naissance d'un nouveau type d'artiste, parce que les rappeurs, c'est un nouveau style de mais aussi un nouveau type d'artiste grâce à Internet, grâce à la composition, grâce aux compositions électroniques, etc. Et la jeunesse tunisienne aussi, elle est très branchée, elle est extrêmement connectée. Donc le rap était à la fois sur le plan de la composition des textes, quelque chose qui ne me plaisait pas beaucoup, parce que j'ai d'autres canons, mais je voyais bien aussi qu'entre la dextérité électronique qu'ils avaient et puis les possibilités d'Internet, que ce mouvement était en train de se développer Et du reste, maintenant, nous avons énormément d'artistes, une très grande concurrence, une intense production de rap aujourd'hui, 10 ans après, qui avait commencé quelques années avant. Mais pendant les phénomènes révolutionnaires, je crois qu'elle a été aussi, qu'elle a entretenu, si vous voulez, une sorte de lien entre les différents groupes contestataires et protestataires d'un endroit à un autre en Tunisie et ailleurs dans le monde arabe, parce que ça parle arabe et que ça peut mobiliser, même si ça parle beaucoup le dialecte tunisien, mais le dialecte tunisien parle aussi à plein d'autres dialectes, si vous voulez, et donc le rap a été une sorte de vecteur entre les dialectes et donc quelque chose aussi de très émotif. Et de très, je ne sais pas s'il faut dire émotif ou émotionnel, en tout cas quelque chose qui sert beaucoup à la communication instantanée de l'émotion et de la mobilisation. Vous avez prononcé ce mot, Kmar Mendana, cette communication, cette émotion, et la communication est au cœur de notre réflexion, évidemment, sur les révolutions arabes qui ont longtemps été présentées ainsi grâce à Internet, même si toute révolution est bien avant Internet, se sont basées à l'international sur des communications d'autres types, mais cette circulation, cette interconnexion est au cœur vraiment de l'esprit de la révolte. Dites-nous, Hélène Nachiti, comment l'archive elle-même permet de décrypter ce mouvement très large international ? En quoi elle nous aide ? Ben, en fait, elle nous aide déjà parce qu'elle permet de se poser, d'avoir une tentative de récolter des traces et de les lire, et non pas de faire une histoire globale des mobilisations dans le monde ou même une histoire des révolutions arabes un peu en général, mais l'archive nous permet d'ancrer nos réflexions d'historiens et d'historiennes sur la base d'objets, de sources concrètes auxquelles on peut lier, comme Kmar le suggérait, des traces émotionnel. Donc il ne s'agit pas de faire de l'histoire locale de ces révolutions, mais plutôt, je dirais, une histoire localisée où on peut avoir, grâce à Internet, la possibilité de suivre ces circulations qui se font entre chansons, entre slogans, comme on l'a vu, mais aussi de voir par l'utilisation même d'Internet et de ces outils numériques, on arrive à capter un esprit de la révolte, un esprit rebelle, si j'ose dire, vis-à-vis des circuits culturels attitrés qui ne sont plus aussi respectés que cela. On voit un phénomène semblable à ce que vous discutez avant par rapport au rap en poésie. Il y a à la fois une reprise de poètes, disons, reconnus, des poètes nationaux dans le monde arabe, mais aussi beaucoup de jeunes poètes ou de jeunes qui ne sont pas poètes du tout et qui commencent à laisser des traces sur Internet, des poèmes, seulement pour marquer les coups, marquer les moments, faire aider à galvaniser la foule. Donc les archives nous aident à faire de l'histoire ancrée. De l'histoire qui est présente avec une diffusion de ces documents par la langue, l'arabe, c'est vrai, qui peut être commune. La musique, c'est une langue universelle. Et parfois, l'humour aussi. Écoutez un programme sur Internet qui se moque de Bachar el-Assad en Syrie. C'est de l'arabe, bien entendu. Certains ne vont pas comprendre, mais tout le monde va comprendre qu'il est question d'humour. Non, يا الله ليش شعب سوريا ما عاد حبني ليش بدهم يحاكموني ليش بدهم يسقطوا النظام والله انا ما قتلت قد اللي قتلن ابي بحما شو هالكوابيس هي اللي ملازمتني من 7 شهور شو هالكوابيس لك شو هالكوابيس Voilà, un programme de marionnettes, les guignols, quoi, sur Internet, qui se moquent de Bachar el-Assad. Et quand nous avons ce type de document, Kmar Mendana, il y a la réflexion de la conservation au moment de l'archive. Mais même au-delà de la conservation, de l'accès aux documents, de sa pérennité, donc dans ce collectif sous la direction de Leïla Dakhli, L'esprit de la révolte, publié au Seuil. L'archive au cœur de la question nécessite de penser à la conservation. Et avec Internet, vous avez été confronté à des grosses difficultés, évidemment. Oui, bien sûr, nous y avons pensé et de toute façon, nous travaillons avec des archivistes au sein de l'équipe de l'esprit de la révolte pour que ces archives, justement, soient à la fois identifiées, comme vous dites, soient aussi un peu mises en valeur. Mais je pense que l'originalité de l'esprit de la révolte, c'est que ce n'est pas de s'accaparer les choses, mais de les faire émerger à la conscience et à la connaissance collective, et pour que dans chaque endroit, dans chaque site, si vous voulez, comme disent les archivistes, on puisse travailler dessus. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé justement de travailler avec l'équipe de l'esprit de la révolte pour toutes ces raisons, mais aussi parce que je travaille en Tunisie aussi localement, si vous voulez, avec les archives que nous produisons en Tunisie. Et je vous ai parlé de cette enquête et de l'exposition qui en est résultée et qu'on a organisée en 2019 et dont on a fait un catalogue. Mais pour vous parler de conservation et de pérennité, je vais revenir au son, même si je n'ai aucune spécialité là-dedans, pour vous dire qu'une des choses nouvelles qui s'offre à nous avec ces révolutions arabes, c'est la capacité technologique aujourd'hui, parce que nous avons des techniciens partout pour ça, de capter les sons. Pas seulement avec des téléphones portables, mais peut-être aussi avec des dispositifs très sophistiqués. Nous avons des ingénieurs du son qui ne disent pas leur nom et puis d'autres qui disent leur nom. Et c'est ça qui nous a permis, par exemple, dans l'exposition Before the 14th, si vous voulez, Instant Tunisien, qui s'appelle Archives de la Révolte, en 2019, que nous avons organisé au musée du Bardo à Tunis, de faire un couloir des sons du 14 janvier, une sorte d'itinéraire de tous les sons que nous... Et ça aussi, cette conservation du son, si vous voulez, et de sa pérennité, aujourd'hui, elle est possible parce que nous avons des ingénieurs du son qui sont capables de le faire, et pas seulement un centre d'archives qui est capable depuis longtemps de conserver. Donc, les méthodes de conservation sont à la fois des méthodes technologiques qui sont maintenant disponibles un petit peu dans tous les pays. Le problème, encore une fois, c'est la prise de conscience que c'est un matériel pour l'histoire et que la technologie aujourd'hui aide un peu à conserver ce matériel sonore pour que les historiens de demain puissent travailler dessus. Et ça, ça me semble extrêmement important. Et je pense que les révolutions arabes, parce qu'elles se passent au XXIe siècle et dans des conditions technologiques tout à fait nouvelles, ouvrent les yeux des chercheurs sur ces nouvelles possibilités et puis sur ces nouveaux investissements, si vous voulez, de la connaissance qui sont possibles pour faire de l'histoire. Vous avez parfaitement raison et ici à la radio, nous sommes d'accord avec vous à un point inimaginable sur l'importance du son. Rendez-vous tout de suite, place Tahrir, après la démission de Moubarak. Dans les circonstances exceptionnelles que connaît le pays, le président Hosni Moubarak a décidé de démissionner et de remettre la gestion des affaires du pays au Conseil suprême des forces armées. La nouvelle se répand, elle va enflammer le Caire. Vous êtes sûr? C'est pas une rumeur? Non, non, ils l'ont dit à la télévision. Et la foule explose, crie Dieu est grand, comme si la démission du président Moubarak était un miracle. Des cris, des chants, des feux de joie et des drapeaux égyptiens qui s'agitent. Quel est votre sentiment maintenant que le président a démissionné? Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Le Caire exulte, s'embrasse, agite des drapeaux. Moubarak a démissionné, on grimpe sur les chars. C'est un feu d'artifice sur la place Tahrir. Le 12 février 2011, la place Tahrir qui exulte après la démission de Moubarak. Dites-nous, Elena Chiti, l'archive n'a pas le même destin selon la voie que prend la révolution. Que se passe-t-il en Égypte? Comment les traces de cette révolution peuvent-elles être conservées? Je ne veux pas être trop pessimiste là-dessus, mais je pense que les traces vont être conservées soit de façon clandestine, soit à l'étranger, pas en Égypte en ce moment. Il y a depuis la prise de pouvoir de Abdel Fattah Sissé en 2013 et son élection comme président en 2014, il y a au contraire une tentative d'effacer, même sur les plans physiques, toutes les traces, non seulement de la révolte, mais aussi des lieux qui ont témoigné, qui ont assisté au rassemblement des Égyptiens. Si on pense juste à Place Tahrir, elle a été vidée même de son sens de place. On a au milieu une sorte de monument qui n'est pas très lisible, et puis un garage. Et donc, il y a vraiment une nécessité de travailler avec des archivistes, et on le fait dans les projets de Leïla Dakhli. On a Yann Potten avec nous et d'autres archivistes de l'Institut international d'histoire sociale d'Amsterdam, aussi pour ces raisons-là, pour des raisons, disons, déontologiques, de faire en sorte que les traces des révolutions dans des contextes aussi tendus et encore autoritaires tels que l'Égypte et la Syrie ne soient pas perdues. C'est essentiel de bien montrer la différence qu'il peut y avoir entre les voies que prennent les pays selon le type de révolution. Il n'y a pas un mouvement idéal et global. Mar Mendana, en quelques mots, vous voyez, vous aussi, quelque chose de pessimiste dans la prise de pouvoir et la volonté d'effacer certaines archives ? Oui, mais ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose de très classique dans l'histoire, et de toute façon, les censures ont toujours fonctionné. Ce qui m'intéresse encore une fois, comme historienne aujourd'hui, ce sont les nouvelles possibilités de questionner et de comprendre malgré la censure. C'est ça qui est intéressant, et ça, je pense que les révolutions arabes ont montré aussi, d'une certaine manière, une sorte de défaite de la censure. Pas seulement parce que, par exemple, un régime comme celui de Ben Ali a été défait parce que son système de surveillance a pu être cassé par la technologie des jeunesses beaucoup plus compétentes que les policiers qui les surveillaient. C'est pas seulement cette différence de connaissances technologiques et de compétences, si vous voulez. Mais je crois qu'il y a une différence fondamentale aujourd'hui, c'est que précisément cette sorte de dispersion de l'information, que l'information vive elle-même, elle est tellement dispersée chez les acteurs, et les acteurs eux-mêmes ont une autre place face au pouvoir politique. Je pense que je ne veux pas parler de puissance, mais c'est une forme de puissance citoyenne, si vous voulez, qui aujourd'hui donner aussi un peu plus aux populations, aux citoyens, va permettre peut-être, malgré la censure, malgré la fragmentation, malgré aussi l'oubli, parce qu'il ne faut pas oublier l'oubli. Hein, et malgré le temps qui passe, l'oubli aussi travaille les archives. Kmar Bendana, je suis obligé de vous interrompre, je suis absolument confus, mais le temps passe trop vite, et surtout nous devons retrouver Anaïs Kien et son journal de l'histoire qui nous parle également des archives. Archiver les rêves, pourquoi faire ? Mais je veux rappeler surtout cet ouvrage, L'esprit de la révolte, Archives et actualités des révolutions arabes, publié au Seuil sous la direction de Leïla Dakhli. Merci vivement Kmar Mendana, merci vivement Elena Chiti. Nous retrouvons tout de suite Anaïs Kien. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Dans le journal de l'histoire, archiver les rêves, pourquoi faire ? Peut-on archiver l'inconscient en temps de crise ? C'est en tout cas la mission que s'est donnée le Museum of London dans le cadre du projet Guardians of Sleep, dont la collecte de rêves se termine aujourd'hui. Longtemps considéré comme une prédiction de l'avenir sous l'Antiquité, avant d'être considéré comme une relecture du passé, les rêves nous renseignent surtout sur notre manière de négocier avec le présent. Je rêve qu'en rêve, par précaution, je parle russe, pour que je ne me comprenne pas moi-même, et que personne ne me comprenne si je disais quelque chose à propos de l'État, parce que c'est interdit et que cela doit être dénoncé. Plongée dans l'effroi du nazisme dans les années 30, la psychanalyste Charlotte Berat avait collecté près de 300 rêves auprès des Berlinois, chefs d'entreprise, femmes de ménage ou petits commerçants. Elle y cherchait des parentés et des schémas au-delà de la signification individuelle. Les rêveurs partageaient des schémas d'angoisse et de désir, des types et des formes de rêves. Le sondage d'un climat inconscient, une enquête aussi, pour voir si les autres partageaient sa terreur grandissante. Mais comment lire ce matériau à distance ? L'inconscient étant déjà bien difficile à déchiffrer, l'œuvre du temps ne rend-elle pas cette tâche impossible ? Si le moment totalitaire collecté par Charlotte Bérat semble loin de nous, la démarche de se tourner vers les rêves pour comprendre ce qu'on ne comprend plus de soi, dans un contexte inédit et inattendu, reste. Le rêve est un moyen de connaissance, un témoignage de nos réactions face à l'irrationalité apparente qui tout à coup devient réalité. Une autre collecte de rêves est en cours, pilotée par l'historien Hervé Mazurel et la psychanalyste Elisabeth Serin, qui veulent saisir l'opportunité de rouvrir un dialogue entre les sciences sociales et la psychanalyse. En explorant ces rêves collectés, le premier constat est flagrant : la contamination de l'espace le plus intime apparaît dès les premiers temps du confinement, avec la fonction de nous aider à surmonter le changement le plus radical ou le saut dans l'inconnu. De voir aussi quels sont les outils que nous nous proposons pour le surmonter. Une moisson onirique recueillie à l'adresse rêvedeconfin@gmail.com qui montre pour l'instant que le bouleversement nous atteint jusque dans nos rêves, des rêves qui constitueront, grâce à ces enquêtes, des archives pour l'histoire collective de demain. C'était le cours de l'histoire sur France Culture. Merci à toute l'équipe qui a préparé ces émissions. Toutes les émissions sur les musées, une série de 4 épisodes à écouter, podcaster sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et la semaine prochaine, attention, nous partons à l'université. 4 grandes figures de l'université.